Inca Afrika AA3 Pattaya Pattaya. J'parle avec les mains, j'parle pas la langue. Sous jet lag welcome to Thailand. J'fais le dernier maillot du PSG. La facture monte vite, j'coupe la 4G. Deux trois potos, j'rejoins l'équipe. Genre le remake, bébé les batteries. J'regarde la vue, je vis la nuit. On m'appelle de Paris, le ciel est gris. Viens on oublie, je venais changer tête. Pas la dent des Mac, je trouve dans des mers. Je vis de gala à la Obama. Pattaya, j'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le fun. Histoire d'oublier, oublier. J'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le fun. Dans le champ, t'as dégusté. J'ai marié à ma hâte sans pression. Le passeport est gardé en caution. Insomniaque, un jack sans glaçon. Tranquille au max, on sent les sensations. J'ai déjà pris mon billet. Je pars pour le faire.